Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Petite session bonus de fin d'année. On va parler un peu de tous les films qu'on a vus, que ce soit moi ou Fabien. Donc on va commencer par les films qu'on a vus en commun et ensuite les films qu'on a vus plus ou moins unitairement et on va vous dire ce qu'on en a pensé mais vraiment vite hein, pour faire une petite aparté sur un peu tout ce qui est sorti cette année et qu'on s'est permis d'aller voir. Donc la partie sur Logan, là vous pouvez l'écouter dans le best-of, la partie Kong Skull Island aussi dans notre best-of, la partie Ghost in the Shell dans le worst-of et je te propose de faire un petit aparté sur les Gardiens de la Galaxie 2. Numéro 2, alors moi j'avais beaucoup aimé le premier on va dire et là je trouve que ce deuxième épisode est très faible, c'est-à-dire que le scénario, il manque un peu de rythme. J'ai un grand plaisir à retrouver Kurt Russell dans leur dégo, mais je me suis un petit peu ennuyé au cours du film et les trois fins, moi, ça m'a un peu agacé, quoi. Moi, j'ai bien aimé l'aspect visuel du film. J'ai un peu moins aimé le fait que ils n'ont pas évolué, hein, les personnages. Rocket Raccoon, c'est toujours le voleur de base et qui veut se rendre intéressant. Bon, ça m'a un peu plus choqué. Et puis, le fait de qu'il y ait Kurt Russell qui fait yippie-ki-yay sur sa navette, ça m'a un peu gêné aussi. Mais sinon, l'humour est bon, par contre, hein, dans le film. Et le petit comique relief de Baby Groot. Moi j'ai accroché à Baby Groot. Ouais, mais il y a la scène, si je peux me permettre, la scène où il ramène le bureau à chaque fois. C'est un peu lourdingue, j'ai trouvé. Oui, là, par contre, oui, c'est vrai qu'il y avait des aspects redondants. Mais moi, j'étais ravi de revoir les personnages. Il y a des blagues qui m'ont un peu moins amusé, comme les tétons de Drax ou les trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais non. Une petite larme, moi, quand même, à la fin, avec ce qui arrive à Yondu Understar, j'ai eu ma petite larme quand même. Il y a une scène qui est pas trop mal, c'est quand tous les extraterrestres jaunes ils sont dans la bande d'arcade et qu'il y a une espèce de poursuite entre les vaisseaux télécommandés à distance et le Milano. Je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Il y a eu deux fois la scène, hein, c'est-à-dire une fois on va dire au début du film, quand il se sauve parce que Rocket a eu la bonne idée de voler des batteries. Comme d'habitude. Et après, ils reviennent à la fin sur la planète Ego, alors que Yondu a pu les battre en 2 minutes, hein, avec sa flèche à la con, quoi. Mais bon, c'est quelques erreurs de scénario, mais moi, je passais un bon moment devant les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Ouais. Mais comme il n'est pas dans notre top, on est forcément mitigé. C'est clair. Alors moi, j'ai noté qu'on a été voir Wonder Woman. Ouais, Wonder Woman. Bonne surprise, je veux dire, pour moi. Une adaptation assez fidèle. L'actrice Gal Gadot est vraiment bien. Il y a du charisme. Elle est très crédible quand elle fait les scènes d'action. Même si moi, ça m'énerve un peu, c'est toutes ces scènes de ralenti quand tout explose ou qu'elle éclate ses adversaires. Bon, ce que je déplore un peu, c'est le final avec notre moustachu favori, là, je sais plus son nom. Comment il s'appelait, le méchant? Le méchant, c'est Ares. Ares. Ouais, Ares avec sa moustache. Et j'ai trouvé que c'était pas, il était pas crédible, cette espèce de combat un peu bizarre. Plein de CGI, un peu pas terrible. Mais sinon, dans l'ensemble, on s'ennuie pas. C'est un bon divertissement. Ouais, un combat final, pas terrible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, il y a un peu d'humour dans le film. Il y a des éléments qui sont bien, quand même. Hein. Il y a quand même des bonnes saveurs. Bon, l'histoire est moyenne, mais Gal Gadot, par contre, est excellente dans son rôle de femme-enfant, parce que c'est encore une enfant qui sort de Themyscira et qui a aucune visuelle sur ce qui se passe vraiment dans le monde. Hein. C'est cantonné à son île et elle a plein de parti pris. Et par contre, une très bonne idée de la part des scénaristes, vraiment très bonne idée, c'est pas des top modèles sur l'île, c'est des guerrières. C'est vraiment des guerrières qui ont des cicatrices, elles ont des muscles, elles en chient, elles en bavent, elles ont de la sueur et tout. Bien joué, parce que dans les OAV, c'est que des bombasses, hein, des bombasses avec des super pouvoirs. Bon, en même temps, c'est des déesses, hein. Ouais, mais je veux bien, mais enfin, faut pas déconner, des bombasses guerrières, non, ça va. Là, on a une Wonder Woman, bon, c'est une bombasse, mais c'est Wonder Woman. On a une Hippolyte quand même marquée par la vie, et des Amazones, non, bien joué, moi je trouve à ce niveau-là. J'aime bien aussi le rôle de Chris Pine, je sais pas si tu te souviens, c'est le Capitaine Kirk de Star Trek. Il y a un personnage qui est assez sympathique, il incarne Steve Trevor, le soldat qui est le compagnon, qui devient le compagnon de Diana, en fait. Et moi, j'ai trouvé qu'il était pas trop mal, c'était un personnage assez plaisant dans ce film-là. Et moi, j'ai trouvé qu'il servait à rien. Parce qu'en fait, à part ramener Gal Gadot, Wonder Woman dans le monde réel, à part ça, il sert à rien, parce que Wonder Woman, c'est pour quelqu'un qui tombe amoureuse facilement, donc bon, d'accord, ils ont vécu quelques aventures. Et pour moi, la scène dans la chambre, enfin, qui ont eu la bonne idée de nous couper quand même, parce que ça aurait été trop redondant. Pour moi, Steve Trevor n'a pas eu ce qu'il méritait dans le film. Il méritait mieux que ça. Bon, je sais pas, parce que j'aime l'acteur, mais pas forcément le personnage. Alors, on va passer, si tu veux bien, c'est Spider-Man Homecoming. Homecoming, Spider-Man. Homecoming, je te laisse débuter cette fois-ci. Ah, allez, on va troller un petit peu. Je vous ai pas trollé pendant quelques minutes. Alors, Spider-Man Homecoming, c'est tout simplement une souris avec deux grandes oreilles qui dit: regardez, regardez les gens, j'ai acheté Spider-Man, venez le voir. Vous voulez pas venir le voir, mais bah c'est pas grave, je vous ai mis un Iron Man avec, je sais que vous l'aimez bien. Moi, c'est l'impression que m'a laissé le film. Le film est bien, il y a des effets visuels qui sont bien. Voilà, l'histoire, par contre, non, non, il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs qui vont pas complètement. Enfin, voilà, on sait que vous avez Spider-Man, mais enfin, franchement, y a des... moi, le film m'a choqué, Faut en personnellement. faire quelque chose, quoi. Voilà, faites-en quelque chose, Ouais. des scènes sur les gratte-ciel, t'en as vu, toi? Bah non, il y a une espèce de scène sur le pic de Ouais, Washington, c'est tout, il n'y a pas de scène sur les gratte-ciel, il balance pas l'étoile. Je veux bien qu'il découvre ses pouvoirs, mais en fait, soit il se bat en intérieur, soit il se bat à Central Park. Bon, bah c'est pas Spider-Man. Et puis moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a dit, coucou, coucou, on a acheté Spider-Man, venez le voir, c'est tout. Moi, c'est juste pour ça. Ouais, c'est ce que, tout à fait. Je crois que c'est le truc de lancer la licence et pour justement il était déjà apparu précédemment dans Captain America Civil War. J'ai trouvé que sa scène était quand même meilleure que dans le Spider-Man Homecoming. Pour moi, c'est un film pour ados, Spider-Man Homecoming, parce que c'est l'état de l'adolescence, c'est la super costume avec les super fonctions à la Iron Man. Je pense que ça vient faire là-dedans, moi. Parce que pour moi, c'est pas ça Spider-Man. Mais ce qu'il faut retenir quand même du film, c'est Michael Keaton. C'est le vautour. Parce qu'il est vraiment terrifiant et on s'attend pas du tout à la fin, parce que moi, je ne veux pas non plus révéler, mais il y a une grosse pirouette à la fin où Peter Parker tombe je veux dire, sur une espèce de piège, quoi, un petit peu. Ouais, enfin, la fin, pour moi, c'était... Bah, je me suis laissé un peu surprendre. Michael Keaton, bon dans ce film. Bah, bon dans son jeu d'acteur, mais... Après, moi, je trouve qu'il est pas trop crédible en super vilain, en fait. Mais je pense que c'est plus un avis personnel que quelque chose de vraiment étayé. Oui, puis pour la fin, voilà. Hein. Et mec, t'es Spider-Man, hein. Un mec qui te menace avec une arme dans une voiture, ouais, tu lui bloques sa main avec ta super force, hein. T'as Ouais. pas besoin d'aller pleurer dans la voiture. Mais enfin, bon, c'est un prétexte pour nous donner une scène finale qui était correcte. Qui fait Ouais. pas un grand... Qui fait pas partie du grand MCU, mais ça nous a permis un peu de nous vider le cerveau avec l'Infinity War qui va pas tarder à arriver. Ouais. Et là, on va parler de Justice League. Alors, Justice League. Donc, après réflexion, parce que la dernière fois on en avait parlé un petit peu, je trouve ce film quand même assez moyen. Il y a certaines scènes que je cautionne pas. Il y a certains plans en numérique qui sont pas beaux du tout. Puis il y a certains personnages qui fonctionnent pas des masses. Le pire, je crois que c'est Superman, là, quand même. Le plus comique pour moi, ça reste Flash. Il y a aussi Jason Momoa dans le rôle d'Aquaman. Et il y a Batman aussi, bon, qui fait un peu le Batman un peu pantouflard pour moi, des fois. J'aime bien Ben Affleck, mais là, je trouve qu'il est un peu moins appliqué que dans Batman versus Superman. Dans l'ensemble, bon, ça reste un divertissement assez agréable, mais j'entendais quand même plus d'un crossover, quoi. Un crossover décevant, donc Justice League Homecoming, hein, parce que c'est ça en fait, Ouais, c'est ça. c'est Flash qui est chapeauté par Batman. Alors je sais pas qui a eu l'idée en premier, mais ça me fait penser à un certain Peter Parker qui est chapeauté par un Tony Stark. Ouais. Bon, il y a quelques comiques reliefs du Flash, Jason Momoa, mais aussi Aquaman, il fait quelques passages comiques. Bah, étant donné sa stature de géant et de mec super musclé, bah, ça fait plaisir à voir qu'il se prend pas trop au sérieux. Non, mais pour moi, la seule crédible entre guillemets dans ce film, c'est Gal Gadot. Parce que là, elle en impose. Des scènes de ralenti qui sont bien faites quand il utilise la Speed Force quand même, quand Flash utilise la Speed Force, mais pas un film inoubliable. Un Steppenwolf complètement moche en CGI, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est un peu raté. Et après, bah, nous faire revenir Monsieur Kent, c'était une... Alors j'arrive pas à dire si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Bah, une bonne parce que sinon il battait pas Steppenwolf, et une mauvaise parce que bah, vous faites quoi sans lui alors? En faites rien? Donc voilà. Moi par contre, bon passage avec les Green Lanterns, j'ai aimé. Ouais, on va dire 3 secondes quoi, à l'écran, c'est ça. Ah oui, mais rien que 3 secondes, j'aurais pu après me lever, quitter le film, j'étais content, j'avais vu mes Green Lanterns. Non, mais déjà dans Batman vs Superman, il y a un problème avec Doomsday et la mort de Superman parce que l'arc est mal adapté. Et puis là, ils nous adaptent la résurrection de Superman qui est très mal amenée. En plus, c'est horrible parce que il y a l'histoire de la moustache avec Henry Cavill. On pourrait voir la catastrophe déjà dès le point d'introduction qui est réalisé sur smartphone. C'est vraiment moche. Non, mais bon, visuellement, il y a vraiment beaucoup de tare quoi dans ce film. Et aussi, Justice League commence à avoir un peu peur de ce que raconte Hollywood. Pas de scène de destruction avec beaucoup de morts. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs du DCU. Des scènes de destruction, mais moins de morts. On le fait en Sibérie, il y aura moins de morts. Donc Justice League, passable, mais quand même un bon moment quand même. Ouais, mais faut le voir si on aime bien tout ce qui est gros blockbuster dédié aux super-héros, quoi. D'autant plus que, bon, l'année prochaine, il y aura Aquaman, ensuite, on va voir un film Flash, il y aura peut-être The Batman, et un Wonder Woman aussi, le numéro 2 qui est prévu aussi. Moi j'attends avec impatience un Suicide Squad Sinbad 2. Ah oui, ça c'est vrai. Surtout, il y a le film que j'attends avec impatience, c'est le spin-off sur Slipknot, parce que celui-là, ce personnage était vraiment impressionnant, quoi. Ah regarde, si vous avez vu Suicide Squad, vous savez de quoi on parle. Ah, Slipknot, ouais. C'est celui qui meurt comme une merde, qui sert à rien. Mais... Vous tapez dans YouTube le Slipknot Death, et vous allez voir à quel point ce personnage est négligé. Donc Justice League, non, pas bon, un grand film, pas un grand film, bon, un film moyen. Moi aussi je dirais moyen, pas une note, pas une top, quoi. Ensuite, moi je voulais lancer une petite aparté sur le film Colossal. Colossal, donc dans le teaser, on nous vend une personne connectée avec un monstre géant. Alors ça paraît un peu spécial à dire comme ça, mais en fait cette jeune femme se rend compte que chaque geste qu'elle fait est fait à l'autre bout de la planète en Corée par un monstre géant. Donc moi je suis allé le voir, enfin je suis pas allé le voir, il est pas sorti au cinéma. Donc je l'ai loué en VOD un peu naïvement en me disant ouais je vais me vider la tête, je vais regarder un film de kaiju. Je me suis fait complètement avoir par le scénario. C'est pas un film de kaiju, c'est un film sentimental. Un film qui casse les codes, mais qui les casse bien, et où on nous montre qu'en fait, le pire ennemi, ça peut être des fois nous-mêmes, et les relations toxiques qu'on crée avec les autres. Une comédie sentimentale avec un monstre géant. Fantastique. Moi, j'ai bien aimé Colossal, parce que, bah, je pense parce que je me suis fait berner, tout simplement, par le producteur et le réalisateur. Ouais, moi, je suis pas trop comédie sentimentale, mais c'est vrai que le trailer prend un contre-pied, en fait. On s'attend à une espèce de film de monstre qui va tout démolir sur son passage, et puis finalement, on se retrouve avec un truc vachement intime, avec c'est Anna Taoué qui fait le rôle, et elle est un peu dépressive, elle arrive dans le village, une espèce de bled, où elle revoit son ami, un ami d'enfance, et il y a toute une histoire de relations un peu malsaines, des fois même, qui s'installe entre elle et cet acteur là, qui paraît vraiment sympathique au premier abord, hein, on va dire. Oui, c'est là où on se rend compte qu'il y a des relations toxiques auxquelles on ne peut pas s'attendre. Ouais. C'est vrai qu'il est malsain, littéralement malsain. Et jusqu'à la fin, quoi. C'est même pas, il y a même pas de rédemption. Excusez-moi, je spoil un petit peu. Bah, en fait, en même temps, il va être très dur à trouver, donc faudra forcément aller le louer en VOD. Mmh. Mais c'est vrai que, un mec qui en dit, ouais, il est sympa, etc. Et à la fin, on dit, que connard, quoi, vas-y, dégage. Non, mais quand il est pas de rédemption, ouais, il reste dans sa lignée jusqu'au bout. Ouais, je pense à la scène dans le jardin, là, quand il commence à se taper dessus, quoi. Bah, ouais, c'était assez. C'est violent, quoi. C'était violent, là, on est passé d'une comédie sentimentale à un film sur les relations toxiques, et un contre-pied incroyable, on nous met un petit tacle, on nous fait tomber notre piédestal, et moi, du coup, j'ai accroché au film. Ouais, c'est sûr. Ça fait indépendant, ça fait final indépendant. Puis j'ai bien aimé la pirouette finale, quoi. Comment réussir à finir un film? Et ben, moi je m'attendais pas à cette espèce de pirouette finale qui est très bien trouvée finalement. Exactement, une fin digne d'intérêt. Pour moi, c'est plus un film intime qu'un film, on va dire, de monstre et de. Parce que le monstre, il fait un peu métaphore quelque part. Oui, et puis c'est un film qui n'est pas fait pour être blockbuster. Hein. Je pense qu'au cinéma, il n'aurait pas spécialement trouvé son public. Mmh. Mais il peut être intéressant. Bon, je ne vous dis pas que c'est une merveille, mais il est intéressant. Il faut le voir pour moi, c'est clair. Un film qu'on a encore vu en commun, c'est La Tour Sombre. On est un petit peu dans le fond du panier, je veux dire. Parce que bon, La Tour Sombre, tout le monde le sait, c'est l'adaptation de Stephen King. Donc il y a quand même 8 romans qui sont des gros pavés. C'était sorti en 2004, si je me souviens bien. Et là... au générique, on a deux grands acteurs, donc on a Idris Elba qui fait Roland et surtout Matthew McConaughey qui fait Walter, l'espèce de démon qui voyage entre les dimensions. Donc un film qui dure pas longtemps, qui a à peine une heure et demie si je me souviens bien, qui condense à maximum apparemment Le Pistolero, le premier roman. En fait, moi ce que j'avais entendu c'est que c'était une suite des romans, donc je vois pas où la vérité. Moi j'ai pas lu les romans donc je pourrais pas comparer, mais en tant que blockbuster je trouve qu'il y a beaucoup d'ellipses, c'est-à-dire de raccourcis, il y a beaucoup de... on saute beaucoup de passages, d'explications, on n'a pas beaucoup de vision, on est beaucoup sur Terre, il n'y a pas beaucoup de vision du monde de Walter finalement, parce qu'il y a une espèce de porte transdimensionnelle. C'est pas ennuyeux, mais c'est hyper standard et finalement c'est assez vite oubliable, quoi. Bah c'est vrai que le film se base beaucoup sur la Terre-Clé, donc notre monde. Par contre, l'entre-deux-terres, de mémoire. Il y a quelques scènes quand même qui se passent là-dedans, mais bon, viable, hein, y a pas de souci. Par contre, moi, je trouvais le film correct, pas forcément le fiasco qui avait été annoncé par les critiques. Par contre, un film facile, avec une fin facile et ouverte. Au cas où ça marche, on en fera un deuxième. Et moi, pour leur défense, je vais dire adapter un Stephen King, c'est chaud, les mecs. Ouais. Surtout que là, on a quand même, comme tu dis, un pavé que j'ai pas lu. Un pavé de 8 bouquins. 8 volumes, ouais. 8 volumes, et pas des petits volumes de poche, ouais, hein. Vraiment, mais adapté du King, fallait oser. En même temps, apparemment, je crois qu'il se refilait la patate chaude depuis des années. Bon, vous avez fait ce que vous avez pu. Les scènes avec le pistolero sont... je comprends pas, parce que des fois, elles sont bien tournées et des fois, elles sont complètement capillotractées. Donc, on a dans la même scène, des fois, des choses contradictoires. Bon, moi, j'ai passé un moment correct. Mais c'est pas quelque chose que je vais me presser d'aller retourner voir. Hein. Ouais, il y a quelques belles scènes. Moi, je trouve qu'il y a quelques beaux plans. Un peu, quand par exemple Idriss Elba recharge son arme, que t'as les cartouches qui se mettent un peu par magie, on va dire. J'ai trouvé que c'était pas mal fait à ce niveau-là. La pirouette finale, bon, on s'y attend, mais pas vraiment en fait. Est-ce que t'as été surpris de la façon Moi, à la fin, dont ça finit? j'ai pas été surpris de la façon dont ça finit. Non, moi, D'accord. je me dis, voilà, Matthew McConaughey, je savais comment il allait finir. Le petit, à peu près, je savais, voilà, comme il était, entre guillemets, un peu plus développé que les autres, je me suis dit, bon, bah lui, c'est bon. Par contre, ouais, quelques passages quand même qui m'ont surpris, mais je peux pas en dire plus sans spoiler, donc je préfère vous dire Ouais, d'aller c'est vous ça. faire votre opinion. Pour le voir, c'est un divertissement honnête, mais c'est vrai que le projet a traîné en longueur, hein. Il y avait plusieurs réalisateurs qui sont passés, et il parlait même que si le film remportait du succès, et ben il l'adaptera en série. Alors on sait, pour l'instant, la série est au point mort, le projet est au point mort, donc la suite au prochain numéro, on va dire. Et ensuite, le dernier film donc qu'on a vu ensemble, c'était Star Wars 8. Mais là, je vais juste vous dire d'aller regarder, enfin plutôt écouter notre petite session qu'on a fait sur la critique de Star Wars 8. Tout y est bien résumé, mais on peut juste peut-être dire que c'était le film de l'année. non, je plaisante bien sûr. Non, non, Star Wars 8, moi personnellement une déception immense. Mais je voudrais pas trop m'attarder sur le sujet parce qu'on a fait quand même une grosse critique dessus. Ouais, bah, pour moi c'est pareil, hein. En tant que fan de Star Wars, j'ai un petit peu l'impression d'avoir trahi, d'être trahi, purement parce que bon, c'est du réchauffé, mais à tout niveau, hein, y a rien d'original. On peut même pas se raccrocher à des personnages ou peut-être Luke, mais à la rigueur, mais le reste. Et puis moi, je m'inquiète beaucoup pour l'épisode 9 parce que quel matériel ils vont nous pondre encore une fois. Hello, pardon, qui ça et vous ça? Mais ça, Jar Jar Binks. Ah, mais ça, c'est pas. Mais ça, t'as qui journée matin, c'est bonin, par cassé, copieuse croûte et boum! Mais ça, chocotte bleue. Mais ça, attrapé de Jedi et pan. Mais ça ici. Petit aparté sur des films de 2017 qui méritaient un peu notre attention. Je vais vous parler des films Cars 3, Lego Batman, Valérian et la Cité des Mille Planètes, Power Rangers le film et Kingsman le Cercle d'Or. Alors pour moi, ce sera La Grande Muraille, Life, Origine Inconnue, et Le Roi Arthur, La Légende d'Excalibur. Donc je vais commencer, si tu le veux bien, Bien par le sûr. film Cars 3. Donc un film Pixar, la suite. Alors pour moi, ce sera la suite de Cars numéro 1, parce que pour moi, Cars numéro 2 n'avait pas lieu d'être. Faire un film de super agent secret avec des voitures, alors que le premier film c'était juste sur des voitures de course, bah ça m'avait quelque peu embêté. Là, Cars 3, quand j'avais vu le teaser, je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont tuer Flash McQueen. Et pour finir, quand j'ai été le voir avec mes enfants au cinéma, bah, j'étais très déçu de ce film, le scénario. Voilà, c'est un peu la victoire à la Rocky Balboa du passé qui arrive à battre la haute technologie du présent. Voilà, une fin où c'est Flash McQueen qui bat même pas son adversaire parce qu'il transmet le flambeau à la nouvelle génération. J'ai pas réussi à avoir d'empathie pour ce Flash McQueen dans Cars. Moi, je dirais pas que c'est un Pixar raté, mais bon, il est quand même un peu moins raté que le numéro 2. Mais il n'y a pas la magie du numéro 1 qui est là. Et en plus, les personnages qui servaient de comique relief comme Martin ou Guido ou Luigi, on les voit quasiment pas dans le film. Donc moi, c'est pas un cartoon qui m'a intéressé plus que ça. Et en plus, mes enfants se sont ennuyés aussi. Donc 5 et 10 ans, ça leur a pas spécialement parlé. Par contre, dans mon numéro 2, donc Lego Batman, une bonne surprise. Un film que j'ai aimé aller regarder. Je me suis dit, on va aller regarder un film pour les enfants et j'ai accroché en fait à l'histoire. Bon, ça reste du Lego, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas prendre l'histoire au premier degré, hein, sinon vous avez rien compris. Mais par contre, ils abordent des thèmes, moi, qui m'ont bien fait rigoler, comme quoi Batman c'est quelqu'un de très mégalomane. Et là, dans le Lego, voilà, c'est exacerbé pour nous montrer le côté complètement mégalo du Batman. Voir Batman se faire maltraiter, entre guillemets, comme ça, et le rendre un petit peu détestable, ça m'a bien fait rire. Et surtout, voir Batman se faire prendre un gros râteau par son love interest, ça m'a bien plu aussi, donc une bonne surprise. Ouais, une petite question pour toi. Ça a rapport avec Lego Movie? Bon, c'est un rapport avec Lego Movie, mais on n'arrive pas dans l'absurdité scénaristique de la fin de Lego Movie. Ça reste quand même un film avec des Lego jusqu'à la fin, où l'option humaine, avec des humains, des vrais humains du film, n'apparaît pas du tout. Hein. Donc là, c'est vraiment un film avec des Lego. Voilà, c'est un film Batman humoristique et avec des Lego. Donc, une bonne surprise, une bonne claque. Ensuite, un peu plus compliqué à en parler, c'est le film Valérian et la Cité des Mille Planètes. dur à dire quelque chose sur ce film parce qu'il y a des effets visuels somptueux, des bons tableaux, mais on n'arrive même pas à y croire. Les effets spéciaux sont bien faits et à la fois, on n'arrive pas à s'y projeter dans ces effets spéciaux. Et en plus, là, les acteurs, Clara Delevingne et Dan DeHaan, moi j'arrive pas à croire à leur jeu d'acteur. Alors soit ils sont trop jeunes, ou alors soit c'est moi qui suis trop vieux. C'est-à-dire que c'est pas un film qui s'adressait peut-être pour ma catégorie. Parce que ma nièce qui a 14 ans, elle a aimé ce film. Donc je pense que c'est plus pour les ados en fait. Un Luc Besson pour les ados. Bon, je me suis un peu ennuyé, mais j'ai quand même eu quelques passages où ça va, où ça fait le jeu. Après, voilà, le scénario est convenu sans être convenu. Bon, on arrive à voir où Luc Besson veut en venir hein, dans le scénario. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, on se doute bien que... on se doute que c'est convenu dans cette partie-là. Film suivant qui m'a beaucoup plu, c'est Power Rangers. Mais ça m'a beaucoup plu parce que j'ai grandi avec les Power Rangers et j'ai plus ou moins été élevé avec les Super Sentai. Et notamment les Power Rangers, les Beetleborgs, enfin voilà, tous les trucs comme ça qui passaient sur Fox Kids à l'époque. Moi, j'ai bien aimé ce film, mis à part... qu'est-ce qui était long au démarrage, très très long. En fait, il n'y a qu'une scène d'action à la fin qui vaut le coup, hein, quand ils assemblent Megazord. Mais par contre, la méchante, c'était jouissif à voir une actrice qui se plaît dans son rôle de méchante et qui surjoue volontairement son rôle de méchante. Ouais, ça m'a fait bien rigoler, bien plaisir. Il y a aussi des passages qui m'ont rappelé un goût d'enfance, notamment quand ils sortent de la carrière et qu'on entend la musique des Power Rangers derrière. Voilà, c'était du fanservice, mais voilà, dans l'ensemble du film, ça passait bien. Après, bon, voilà, le jeu des acteurs, ça reste du standard. Hein. On nous a mis une geek, on nous a mis un beau gosse, on nous a mis une lesbienne pour que tout le monde y arrive à se reconnaître dans le film. Et enfin, le dernier film, Kingsman, la suite des aventures d'Exy dans le Cercle d'Or. Alors, que penser de ce film ? C'est divertissant, c'est bien rythmé, il y a quand même du fanservice, surtout quand Galad revient, entre guillemets, des morts, parce qu'il a été soigné par les Statesmen. Il y a quelques facilités scénaristiques, des passages qui sont moins marrants que dans le premier, parce que je pense qu'il n'y a plus la magie de la découverte de ce fameux Exy et de son côté rebelle Jones de cité. Bon, ça fait le jeu quand même. Par contre, moi, j'ai bien aimé la méchante du film. Elle était formidablement psychopathe. C'est-à-dire que vraiment, on aurait dit une mère de famille au foyer qui devient baron de la drogue. Et c'était assez bien joué de la part de Marv de faire un film comme ça, mais c'est redondant. Hein. C'est comme Kick-Ass 2, hein. Ça reste redondant par rapport à ce qu'on nous a présenté avant. Je vais passer maintenant le relais à Fabien. Alors je vais prendre la main avec trois films. Je commence par La Grande Muraille, donc avec un acteur que j'aime particulièrement, c'est Matt Damon. Et il y a aussi Willem Dafoe dans ce film-là. Et on est dans la Chine médiévale. Matt Damon et son compagnon sont prisonniers des Chinois qui doivent se battre contre des espèces de créatures un peu boursouflées. Bon, le design est un peu ridicule. Il y a des scènes qui sont un petit peu bizarres et excessives par moment. Il y a des scènes aussi pas trop mal faites, mais dans l'ensemble c'est un film très moyen. Visuellement, on est quand même pas mal blindé de CGI, donc c'est pas très beau à regarder. Matt Damon fait le taf, mais sans plus. Je vais pas non plus l'encenser, je trouve que c'est assez vite oubliable finalement. Alors, un autre film de science-fiction, c'est une espèce d'ersatz d'Alien, avec cette fois on retrouve Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds, le Deadpool, donc ils se retrouvent dans une espèce de station spatiale. Le titre du film c'est Life, origine inconnue. Donc un titre encore une fois français un peu bidon, parce que origine inconnue, non, il n'y a pas d'origine inconnue vu que l'espèce de créature, l'espèce de, comment je pourrais dire, de forme vivante, elle vient de Mars. Donc il récolte ça dans un échantillon, et il se trouve que cet échantillon est totalement hostile à l'être humain, et il s'attaque donc à l'équipage. Donc ça fait très alien, et il grossit, et à la fin on a l'impression de retrouver un peu le facehugger de Prometheus à la fin. Tu sais, cette espèce de grosse bête un peu tentaculaire, et ça tourne ridicule. Par contre, j'ai pas mal aimé la fin, parce qu'il y a une grosse pirouette, même si on s'y attendait un petit peu. Pour ce genre de film, sympa, mais il y a trop l'héritage d'Alien derrière lui, donc ça fait qu'on peut pas s'accrocher. Et puis bon, le jeu des acteurs, Ryan Reynolds fait pas grand chose, Jake Gyllenhaal est toujours aussi bon. Ça, c'est de toute façon, c'est un acteur plus talentueux de sa génération, donc il y a aucun problème. C'est une espèce de huis clos en fait. Il y a une une espèce de, il y a une, beaucoup de pression. On est oppré, le spectateur est oppressé, mais comme je dis, c'est, cette impression de déjà vu est trop forte pour qu'on s'accroche véritablement au personnage et à l'intrigue principale. Moi, quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait fait penser à The Thing de Carpenter. Est-ce qu'il y a un rapport ou vraiment pas du tout? Je dirais que non, parce que dans The Thing, c'est plus l'extraterrestre métamorphe qui incurgite un petit peu les êtres humains. Là, c'est pas du tout pareil. C'est une créature qui a une forme, qui grossit avec. Je sais plus d'ailleurs parce que je l'ai vu qu'une fois. Non, non, pour moi, ça a pas du tout de rapport. C'est un huis clos dans l'espace, mais moi, je rapproche plus ça d'Alien que The Thing, tu vois. C'est pas le monstre qui va prendre la place d'une personne, quoi. Donc voilà pour Life, origine inconnue. Et je vais terminer avec Le Roi Arthur, donc La Légende d'Excalibur, donc un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, qu'on a vu dans Pacific Rim, et Jude Law qui fait le rôle du grand méchant, Jude Law qui surjoue à mort le grand méchant avec ses grands gestes et ses sorts maléfiques. Et là, on a une espèce de mélange entre la légende arthurienne et les séquences du Seigneur des Anneaux, parce qu'à carrément, à la fin, on voit Arthur qui affronte une espèce de Sauron de bas étage, donc en chevalier. Et puis il y a une espèce de montage moderne, c'est-à-dire que c'est un peu bizarre au niveau du montage des fois, ça fait pas très épique comme film, et des fois on a des phases de dialogue, je cite Jude Law, bon, on est dans une période où quand même on a un certain langage, tu vois ce que je veux dire, et là il nous sort, il dit « Mais qu'est-ce que vous foutez ? Merde !» Tu vois, une espèce de vulgarité, il mélange un peu les genres dans ce film-là, et ça marche pas du tout, parce que bon, même si c'est divertissant et qu'on s'ennuie pas, ben, dans l'ensemble, c'est comme assez oubliable comme film. Voilà ce que je pouvais dire sur les trois films, parce que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de. J'ai raté Pirates des Caraïbes numéro 5, j'ai raté Transformers 5 aussi, mais bon, ça apparemment, c'était pas une grosse perte. Et il me reste encore à voir Blade Runner 2049 pour cette année. Bah, moi, Transformers 5, voilà, raté aussi, mais j'étais pas spécialement empressé d'aller voir la dernière promotion des jouets Hasbro. Alors, Pirates des Caraïbes 5, voilà. Bon, alors j'ai écouté les critiques et je me suis laissé séduire par le fait de ne pas aller le voir à cause des critiques. Alors, je verrai quand il sortira en DVD si j'ai eu raison ou pas. Blade Runner 2049 ? Non, non, c'est pas pour moi. Ah non, non, Fabien a essayé de me montrer le Blade Runner des années 80. 82, ouais. 82, ouais, voilà. Moi, quand j'arrive à m'endormir dans un film, c'est pas bon signe. Donc, ouais. Je pense que je suis hermétique à Blade Runner, ouais. Donc 2049, non, non plus. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À la prochaine.